Chapitre 6e. L'enquête sommaire, menée par le juge de paix, avait été bientôt terminée. En fait, il n'y avait en toute cette triste aventure qu'un accident assez fréquent d'ailleurs, car on se rappelait à Longpré deux ou trois noyades dans les mêmes conditions. Le rapport du médecin, qui s'était facilement rallié à l'opinion que lui dictait le témoignage d'Abel, avait conclu à la mort remontant à 6 ou 7 heures. Il avait été établi d'ailleurs que Georges n'avait pas paru à Ville Girard, ce qui semblait indiquer que, rebuté par le mauvais temps, il avait eu l'intention de revenir chez son père de meilleure heure que les jours précédents. À quoi bon d'ailleurs épiloguer sur des circonstances douloureuses qui ne changeraient rien à la catastrophe? Le permis d'inhumer avait été délivré, et le surlendemain toute la population de Longpré suivait respectueusement le cortège funèbre. Abel, malgré l'opposition des amis de son père, avait tenu à donner à son frère ce suprême témoignage d'affection. Mais, au bord de la tombe, il avait été pris d'une crise de nerfs si violente qu'il avait fallu l'emporter. Puis, sur la petite ville, le silence était de nouveau étendu. Les bavardages excités par la mort du jeune homme s'étaient peu à peu calmés, et 15 jours ne s'étaient pas écoulés depuis l'événement qu'il paraissait oublier. La convalescence de Loisy menaçait d'être lente. Le docteur Louiset ne s'était pas trompé dans son diagnostic. Le malade resterait frappé d'hémiplégie, c'est-à-dire de cette demi-mort qui, en débilitant les membres, diminue les facultés et réduit l'homme à n'être plus, en quelque sorte, que le reste de lui-même. Quand, pour la première fois, il put sortir de sa chambre pour venir s'installer au coin de la grande cheminée de la salle à manger, il apparut à ses amis comme un spectre, le teint terreux, la face allongée, les cheveux blanchis. Madame Loisy le soutenait du côté frappé de paralysie incomplète. La jambe traînait, le bras pendait inerte, la lèvre inférieure, devenue molle, était légèrement tordue, les yeux étaient pleurants. Monsieur Berthemont se trouvait là. Il vint aider son ami et le porta jusqu'au fauteuil, aidant assez l'effort pour que Loisy ne ressentît pas la fatigue et surtout le chagrin. Abel avait rapidement disposé l'oreiller. Puis il se tenait auprès de son père, assis, anxieux, doux, épiant sur son visage l'impression ressentie. Nul n'avait parlé à Loisy de la mort de son fils. Jusqu'ici, il semblait qu'il ne conservait aucun souvenir de la nuit sinistre. Mais ces objets familiers qui l'entouraient maintenant, cette pièce où il avait embrassé son fils pour la dernière fois, d'où il était parti pour le chercher, tout cela n'allait-il pas renouveler la secousse à laquelle il avait failli succomber? « Eh bien, comment vous sentez-vous, Loisy ?» demanda M. Berthemont, de son accent le plus délibéré, comme s'il se fût agi d'une indisposition sans importance. Loisy leva les yeux sur lui, le regarda pendant quelques minutes, cherchant évidemment à le reconnaître, puis sa figure s'éclaira. « Ah, c'est vous » dit-il de sa bouche empâtée qui mâchait les mots et mettait des « ch » à toutes les consonnes sifflantes. Il disait « chez vous ». « Ça va mieux, ça ne sera rien ». Il regarda sa femme et ses yeux s'humectèrent. « J'étais malade, ne t'inquiète pas, je me sens beaucoup mieux. » Il fit un mouvement comme pour s'appuyer sur son bras. Sentant que le membre ne lui obéissait pas, il le regarda avec une surprise niaise, puis il fit jouer les doigts qui remuèrent. « J'ai le bras engourdi. Il faudra me frictionner. Est-ce que M. Louiset ne va pas venir ?» Réellement, l'intelligence se réveillait. Mais jusqu'ici, les facultés étaient toutes au service d'une seule idée, égoïste, personnelle. Le temps était plus doux. Un gai soleil riait dehors et jetait sa raie blanche sur le tapis. « Ah, voilà qui me remettra » ajouta-t-il. « Dans 8 jours, j'irai au jardin. Et avec un peu d'exercice, ce sera vite fini. » Qui de nous n'a entendu des hommes s'écrier « Si je devais être frappé d'une pareille infirmité, je me brûlerais la cervelle. » Ces hommes sont de bonne foi, mais ils se trompent. Ils devraient dire « Si, étant frappé de pareille infirmité, j'avais encore les idées qui sont miennes aujourd'hui, je ne pourrais supporter ma situation. » Mais celui que la demi-mort a touché est un être différent de celui qui parlait naguère. Son cerveau a subi une altération qui a modifié ses pensées, ses besoins, ses appréciations du présent. Rien n'est plus rare que le suicide chez les affaiblis. L'amour de la vie grandit au contraire en proportion de la difficulté de vivre. L'instinct de la conservation domine tout autre instinct et, tant qu'une lueur jaillit du cerveau déprimé, l'espérance de la guérison, de l'amélioration, persiste. Tout ce qui reste d'énergie se concentre sur la résistance du moi à la mort qui le guette. L'égoïsme devient profond, inconsciemment féroce. Madame Loisy et son fils allaient en faire la cruelle expérience. Mais ni l'un ni l'autre ne devaient songer à s'en plaindre. Madame Loisy, incapable d'analyser l'état de son mari, ne voyait que la résurrection lente, que la victoire emportée sur la mort. Ce mari était son enfant. Quelles que fussent ses exigences, quelle que fût son irascibilité, et déjà elle commença à se développer jusqu'à la tyrannie, elle obéissait avec bonheur, heureuse du remerciement banal qui la payait de toutes ses renonciations de volonté. De plus, elle partageait toutes les illusions du malade. Encore 2 mois, et le printemps viendrait, vivifiant, réconfortant. Les membres reconquerraient leur souplesse et leur vigueur. Les conseils du médecin seraient suivis à la lettre. Loisy ne fumerait plus, s'abstiendrait de vin. Jamais la moindre contradiction, alors même qu'il aurait évidemment tort. Pas de bruit subi, pas de choc pouvant amener un tressaillement. Surtout, ne jamais le laisser seul, l'ordre du médecin était formel. Abel avait entendu toutes ses prescriptions et avec une angélique douceur, avait dit à sa mère que jamais il ne quitterait son père aussi longtemps que sa faiblesse durerait. Il se ferait son guide, son soutien, son compagnon de toutes les heures. Il avait sollicité la permission de coucher désormais dans un petit cabinet attenant à la chambre à coucher de ses parents. De cette façon, il serait prêt à intervenir à toute heure en cas de besoin. Une nouvelle vie commença, sans que jamais plus fût prononcé le nom de Georges. Une seule fois, comme les yeux de Loisy s'étaient arrêtés sur la montre du mort, dont le cadran marquait toujours 8h15, sa mère, par une pieuse superstition, s'étant refusée à ce qu'on y touchât. Le regard persistant du malade prouvait un travail cérébral, une tentative de ressouvenir. Abel, qui ne perdait pas un seul des mouvements de son père, lui dit avec le calme le plus parfait. « C'est la montre de Georges, tu sais, il est en voyage. »« Ah oui, en voyage, » répéta Loisy. Ce fut tout. Madame Loisy décrocha la montre qui disparut dans le fond d'un tiroir. Le sens affectif était atrophié chez le paralytique. En ceux qui l'entouraient, il n'aimait plus que lui-même, c'est-à-dire les soins qui lui étaient donnés, la soumission dont on faisait preuve, l'abnégation complète de toute volonté autre que la sienne. Abel était sublime, c'était le mot de sa mère. Loisy s'était accroché à lui comme à un bâton de vieillesse. Aussi impatient qu'un enfant, il voulait que ce fût Abel qui l'habilla, qui lui passa ses chaussettes, son pantalon, qui fut à ses ordres à toutes les minutes. Abel acceptait tout, renonçant à toute distraction, se dévouant avec une sérénité que rien n'ébranlait, toujours prêt, toujours présent, s'annihilant lui-même pour être tout à son père, n'étant plus qu'une partie intégrante de lui ayant abdiqué toute initiative propre. Quand, mars venu, Loisy put, ainsi qu'il l'avait espéré, traîner jusqu'au jardin ses membres toujours engourdis, il s'appuya au bras d'Abel. La propriété n'étant close du côté de l'Oise que d'une haie d'aubépine, ceux qui passaient voyaient ce fils d'apparence si faible, mais à qui son dévouement donnait une valeur ignorée et saluait respectueusement ce groupe typique de la passion filiale. Dès le matin, Abel était sur pied, remplissant son rôle de valet de chambre. Il avait acquis, pour ses besognes complaisantes, un tour de main, une dextérité moelleuse, qui mettait des caresses sous la pression des doigts. Loisy n'aurait pas permis à sa femme de le toucher. « Abel, c'est Abel, appelle-le. » La pauvre femme n'était pas jalouse, non, certes. À ses bontés de son fils, elle sentait une joie indicible, mêlée de fierté. Il lui semblait que les deux êtres, qui lui restaient à aimer, se fussent fondus en un seul. Par cet admirable instinct féminin, qui fait de l'amour avec de la pitié, elle adorait plus encore ce mari redevenu enfant, et en lui, elle adorait Abel. Le pauvre Georges était-il donc tout à fait oublié? Dans l'amollissement général, continuel, qui enveloppait la maison silencieuse, où le père et le fils mettaient à peine un murmure, la figure de ce grand garçon, aux allures vaillantes, à la voix forte, n'apparaissait plus que comme en un lointain brouillard, et la mère, pensant à lui, se surprenait à frissonner, en songeant qu'il pourrait entrer tout à coup, parlant, remuant, excessif, jetant une note d'orage dans cette accalmie. Naturellement, les parties de whist avaient été suspendues. La tête de Loisy ne supportait plus les calculs du jeu. On avait essayé du bézigue, mais ces combinaisons, si simples fussent-elles, avaient dû le faire écarter. M. Berthemont ne venait plus que dans la journée passer une heure auprès de son vieil ami. La causerie était impossible. L'Oisille se perdait en des rabâchages lents et sans portée. Parfois, Gabriel aidait Madame Loisille aux soins du ménage, mais il était rare qu'elle s'approchât de Loisille et d'Abel. Elle était toujours triste, toujours vêtue de noir, et Madame Loisille elle-même se sentait un peu froissée de la persistance d'un chagrin qui, pour elle, n'était à peine qu'un souvenir. D'ailleurs, Abel ne l'aimait pas. Il s'en était expliqué un jour à sa mère. Il la déclarait hypocrite. Il ne savait pas ce qu'elle venait faire si souvent chez eux. M. Berthemont passe encore, puisque M. Loisille semblait prendre plaisir à le voir, mais sa fille... M. Loisille la reconnaissait à peine. Sa vue l'attristait et pouvait réveiller en lui des souvenirs inutiles. Madame Loisille, soumise, n'insistait plus pour retenir la jeune fille qui, d'ailleurs, ne se rendait pas importune. Le soir, le curé Lampequin arrivait à 7 heures. Ayant l'habitude de la charité, il s'efforçait d'amuser Loisille et y parvenait. Il avait inventé de faire des découpures en papier carton, bâtissant à la pointe des ciseaux, des tours, des maisons, des églises. Loisille suivait avec intérêt le jeu des lames, du pinceau amenant du flacon la goutte de gomme arabique. Puis, à mesure que la forme se dessinait, il avait de petits rires satisfaits, essuyant avec son mouchoir les coins trop fréquemment humectés de sa bouche. Le docteur l'encourageait à prendre de l'exercice. Il ne désespérait pas d'une grande amélioration pour le plein été. Seulement, il fallait céder. On augmenterait peu à peu le nombre d'allées devenues dans la grande allée de Marronnier, et l'année prochaine il n'y paraîtrait plus. Loisille le croyait, Abel ne le croyait pas. D'ailleurs, il n'eût pas voulu le croire. Pour cet être disgracié, le malheur de son père était une garantie de repos. Cette vie végétative qu'il partageait lui causait des jouissances infinies. Chateaubriand a dit quelque part que si le bonheur pouvait exister, on le trouverait dans l'uniformité de l'habitude. Vrai pour tous, ce mot résumait tous les désirs d'Abel. Sa lenteur s'accommodait de l'impotence de son père comme de la monotonie toujours adéquate à elle-même de cette vie que pas un incident ne traversait. Il aimait les longues stations à la même place, les heures passées sans l'échange d'un mot, la promenade lente qui semblait une prolongation de l'immobilité. Il était heureux et n'eût point voulu que la situation changeât, fût-ce même par la guérison de son père. Dans son dévouement, l'hypocrisie n'avait plus aucun rôle à jouer. Au contraire, sa nature se satisfaisait de ce rôle neutralisé. Son égoïsme se trouvait d'accord avec l'amour filial, tout était pour le mieux. Un seul reproche à adresser à son père, il se couchait trop tôt, et par conséquent, trop tôt, Abel devait rentrer dans sa petite chambre. Il y avait peur, une peur effroyable, lancinante. Non point de remords, il ne regrettait rien ni personne. Mais à peine la porte qui séparait son cabinet de la chambre de ses parents s'était-elle refermée, à peine sentait-il seul que tous les soirs, sans pardon, la même hallucination s'emparait de lui. On avait découvert la vérité. On savait qu'il était le meurtrier de son frère. C'était inéluctable. Cette pensée s'imposait à lui, brusquement, comme si un ressort se fût détendu à une minute fixe. On savait. Alors il tendait l'oreille. Au moindre craquement, il s'imaginait que des hommes entraient, qui l'accusaient, qui avaient les mains pleines de preuves. Alors il se perdait dans la création d'une scène compliquée. Il y avait là M. Berthemont, l'abbé, le docteur, le maire, les domestiques, Thomas en tête, et puis des voisins. On criait, les poings se tendaient vers lui, on voulait faire justice tout de suite, le déchirer. Alors il se défendait, il niait, il accumulait mensonge sur mensonge, il se débattait contre l'inexorable vérité qui l'étouffait. Il avait peur d'être traîné devant des juges, aux galères, à l'échafaud. Toutes ses visions prenaient une à une l'apparence d'un tableau théâtral dont il était le metteur en scène. Ce qu'il ne connaissait pas, la cour d'assises, la place des exécutions, il inventait tout, dans une intuition cérébrale qui le faisait créateur. Il ne dormait pas, et cependant, ce n'était pas la veille complète. Déshabillé, il s'accroupissait dans son lit, les genoux pointants, les mains aux cuisses, hérissés, hagards. Non, ce n'était pas du remords. C'était la terreur du châtiment, commençant à l'angoisse de l'accusation entendue, pour ne finir qu'à une douleur physique et suprême. Parfois, il arrêtait le drame en son développement, mais c'était pour le recommencer dans un autre sens. Il était averti à temps, Il s'enfuyait à travers les champs, les routes, sans argent, sans pain. Il se cachait dans les fossés. Il marchait la nuit. Où irait-il? Que dirait-il? À qui s'adresserait-il? Il parvenait à gagner l'étranger. Aucune logique. Une série de faits tragiques s'enchaînant, ou plutôt se juxtaposant. Des courses folles, des poursuites implacables. Puis, un brisement de la séquence, et encore une fois, une reprise du drame à son début. Un hurle violent à la porte, une voix criant « Ouvrez, au nom de la loi !» C'était plus terrible qu'un rêve. Abel sentait, savait qu'il était lui-même l'inventeur de ses folies, et il ne pouvait pas ne pas les inventer. Vers 4 heures, une torpeur s'appesantissait, plus lourde, sur lui, et à 7 heures, il s'éveillait, ouvrait sa fenêtre, se baignait dans l'air froid et dans la lumière, heureux que tout à l'heure, il eût fallu aider son père infirme, et cependant, ne pouvant s'empêcher de répondre aux visions de la nuit. « On ne le saura jamais, jamais !»